Section 27 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 6, deuxième partie. Le grand schisme d'Occident, 1378-1418, par Émile Chénon. Origine du schisme, la question de droit. En rentrant à Rome, le souverain pontife n'y avait recouvré qu'une partie de l'autorité temporelle. Les Romains avaient voulu conserver leur liberté, ils ne devaient pas tarder à en faire un singulier usage. Grégoire XI étant mort en 1378, les cardinaux, pour la plupart français, s'enfermèrent au château Saint-Ange pour y tenir le conclave. Mais le château fut bientôt entouré par la population de la ville, réclamant à grands cris un pape romain, ou du moins italien. Les cardinaux, troublés, divisés, ne pouvant s'entendre sur le nom de l'un d'eux, élurent à la hâte, dès le premier jour, 8 avril, Barthélemy Prignano, archevêque de Bari. Ils n'eurent pas le temps de le proclamer avec les formes ordinaires. La foule avait forcé les portes, mis en fuite les cardinaux, et, trompés d'abord sur l'identité de l'élu, se livraient à un tumulte indescriptible. La méprise fut bientôt reconnue, et Barthélemy de Bari fut proclamé pape, sous le nom d'Urbain VI, par 4 cardinaux restés à leur poste. L'intronisation eut lieu le lendemain, et le couronnement à Pâques, le 18 avril. Les cardinaux, revenus, assistèrent à ces cérémonies, et 16 d'entre eux adressèrent à ceux de leurs collègues qui étaient demeurés à Avignon une lettre collective pour leur annoncer l'élection. Urbain VI était donc accepté par tous les membres du Sacré Collège, et ce que son élection avait eu d'irrégulier se trouvait effacé par cette adhésion unanime. En fait, pendant 4 mois, aucune dissidence ne se produisit. Par malheur, Urbain VI, loin d'avoir la prudence que les circonstances commandaient, ébloui peut-être par son élévation subite, manifestait à l'égard des cardinaux un esprit autoritaire et une rudesse qui finirent par les blesser. Au mois d'août, les 13 cardinaux français se retirèrent à Anagni et de là envoyèrent demander sa démission au pape, déclarant son élection nulle comme entachée de violence. Pour écarter l'objection tirée de leur adhésion tacite, ils ajoutaient que cette adhésion elle-même n'avait pas été libre. Urbain VI offrit vainement de faire examiner son élection par un concile. Le 20 septembre, les cardinaux français organisèrent avec ceux d'Avignon un nouveau conclave à Fondi, au-delà de la frontière napolitaine, dans la citadelle des Gaetani, et proclamèrent pape sous le nom de Clément VII, le cardinal Robert de Genève. 3 cardinaux italiens, envoyés par Urbain VI pour ramener les dissidents, avaient assisté au conclave de Fondi, mais sans y prendre part. Après l'élection de Clément VII, et en attendant la réunion d'un concile, ils se déclarèrent neutres et se retirèrent dans une forteresse appartenant à l'un d'eux. Ainsi débuta le grand schisme d'Occident, qui devait durer 40 ans. Urbain VI, abandonné de tous, excepté de Sainte Catherine de Sienne, qui lui resta fidèle jusqu'à sa mort, se maintint néanmoins à Rome et retint dans son obédience la plupart des États, l'Empire, l'Italie, l'Angleterre, etc. Clément VII, après une tentative inutile pour s'emparer de Rome, se réfugia à Avignon, 1379, où il sut gagner à sa cause le roi de France, Charles V, et plus tard Naples, la Castille, la Lorraine, l'Écosse. La chrétienté se trouvait divisée ainsi en 2 obédiences et tout entière excommuniée, car chacun des 2 compétiteurs usait et abusait des censures ecclésiastiques contre son adversaire et ses principaux adhérents. Une lutte politique ne tarda pas à se greffer sur la lutte religieuse. D'un côté se trouvaient la France et ses alliés, qui étaient clémentistes. de l'autre ses ennemis qui restaient urbanistes. Les premières conséquences du schisme furent ressenties à Naples, où, à la suite de l'excommunication prononcée par Urbain VI contre la reine Jeanne, des troubles éclatèrent, et où, pendant quelque temps, il y eut deux rois, comme il y avait deux papes dans la chrétienté. La situation était intolérable, elle ne se fût sans doute point prolongée si, au point de vue canonique, elle eût été moins obscure. Mais par suite des circonstances qui avaient accompagné l'élection d'Urbain VI, par suite aussi des affirmations produites au conclave de Fondi et des bruits mis en circulation par le parti français, il était difficile aux contemporains de dégager la vérité et de savoir d'une façon certaine lequel des deux papes était le pape légitime. Aujourd'hui encore, des érudits proclament que la solution du grand problème posé au XIVe siècle échappe au jugement de l'histoire. C'est aller trop loin. Pour trancher le débat, les historiens modernes ne sont plus dans les mêmes conditions que les hommes du XIVe siècle. Ils sont d'une part désintéressés et d'autre part mieux informés. Sans les écarts, regrettables ici, du chauvinisme, la grande majorité aurait souscrit depuis longtemps au jugement porté en dernière analyse par les canonistes et qui peut se formuler ainsi. Premièrement, l'élection d'Urbain VI a été canonique, car en admettant même, contrairement au témoignage de Thierry de Nièmes, secrétaire de Grégoire XI et l'un des employés du conclave, et de Sainte Catherine de Sienne, témoin oculaire, qu'elle n'ait pas été libre dans son propre principe, elle a été en tout cas validée par l'acceptation ultérieure des cardinaux électeurs, ainsi qu'en fait foi leur propre lettre aux cardinaux d'Avignon. Urbain VI était donc pape légitime, ou tout au moins légitimé. Deuxièmement, Urbain VI, pape légitime, ne pouvait certainement pas être déposé par les cardinaux, la question de savoir s'il pouvait être déposé par un concile œcuménique étant elle-même douteuse. Par conséquent, l'élection de Clément VII était nulle. Clément VII n'était donc qu'un antipape, et dans cette lutte politico-religieuse qu'on appelle le grand schisme d'Occident, le bon droit était pour Urbain VI. Conséquence du schisme. Mais Urbain VI n'était pas l'homme qu'il fallait pour apaiser un tel conflit. Sa hauteur, ses emportements, son népotisme lui aliénèrent plusieurs cardinaux de son entourage qui formèrent le complot assez bizarre de lui donner une tutelle. Ils furent découverts, mis à la torture, exécutés. La mort d'un pape aussi dur fut saluée comme une délivrance. 1389. La situation toutefois n'en devint pas meilleure. Les cardinaux romains, au lieu de reconnaître purement et simplement Clément VII, ce qui eut mis fin au schisme, résolurent, par crainte de l'influence française, de nommer un nouveau pape. Ils choisirent l'un d'entre eux, Pierre Tomacelli, qui prit le nom de Boniface IX, 1389-1404. Le schisme continua. Il avait cependant des conséquences désastreuses. Au point de vue ecclésiastique, la légitimité des dignitaires de l'Église se trouvait partout contestée, suivant qu'ils avaient reçu leur pouvoir de l'un ou de l'autre pape. Au point de vue politique, les États feudataires du Saint-Siège ne savaient à quel prince obéir, chaque pape voulant investir le sien. Au point de vue social, la papauté, dont l'influence prévenait souvent des guerres entre les princes chrétiens, devenait au contraire une source de division. Toute guerre politique se compliquait fatalement d'une guerre religieuse, chaque belligérant s'attachant ordinairement au parti d'un pape différent. Au point de vue moral, les choses n'allaient pas mieux. Les papes, sans action sur les puissances séculières, n'en avaient guère plus sur l'Église. Il leur était difficile, étant contesté, de combattre efficacement la corruption et les désordres du clergé à leur profond. Ils étaient obligés, au contraire, pour se maintenir, à des concessions qui aggravaient le mal, diminuaient leur autorité. Ajoutons, car pour être d'ordre inférieur, cet inconvénient n'en était pas moins vivement senti, que la chrétienté devait désormais pourvoir à l'entretien de deux cours pontificales au lieu d'une, sans compter les frais occasionnés par la lutte. les ressources manquant le plus souvent aux deux adversaires, ils étaient forcés de trafiquer des bénéfices et de lever continuellement des impôts extraordinaires sur les églises de leur obédience. Clément VII, notamment, écrasait la France de taxes. Bref, de tous côtés, le schisme suscitait soit des conflits, soit des plaintes, qui rejaillissaient en définitive sur le Saint-Siège, dont on était arrivé, dans l'incertitude où l'on se trouvait, à nier tous les droits. L'autorité religieuse était par là même ébranlée. C'était pour l'Église une crise terrible et dont il était impossible de prévoir la fin. Il y a toutefois deux choses à remarquer dans cette crise du XIVe siècle. D'une part, personne ne resta neutre. Chaque État reconnut l'un ou l'autre des deux papes. Ce n'est que plus tard, sous l'influence de la France et par suite de circonstances particulières, qu'il se forma un tiers parti, s'attachant à la neutralité. D'autre part, le principe de l'unité religieuse de la chrétienté est proclamé plus haut que jamais, au moment même où il est le plus en danger. Personne ne le perd de vue. Théologiens, canonistes, même de simples chroniqueurs, Froissart par exemple, qui écrivait « Comme il n'y a qu'un seul Dieu, est-ce cieux, il ne peut et ne doit être de droit qu'un seul pape en terre. » Mais cette unité, les chefs d'État ne cherchèrent d'abord à la rétablir qu'en attirant à leur parti le plus d'adhérents possible. C'était un fort mauvais moyen, frappé par avance d'inefficacité. L'Université de Paris devait en chercher d'autres. Intervention de l'Université de Paris, la soustraction d'obédience, 1398. Après l'élection de Boniface IX, l'Université de Paris, qui avait déjà tenté en 1380 de mettre un terme au schisme, renouvela ses efforts. Elle était alors la plus grande école de théologie du monde et avait à sa tête des hommes de haute valeur, tels que Pierre d'Ailly, Jean Charlier, dit Gerson, qui en furent tous les deux chanceliers, Nicolas de Clémingis, qui en fut le recteur, etc. En 1393, elle prit une grande initiative. Elle ouvrit dans la chrétienté un vaste scrutin sur les moyens propres à éteindre le schisme et recueillit 10 000 cédules qui indiquaient trois systèmes différents. L'abdication volontaire des deux compétiteurs, une transaction fixée par des arbitres, ou enfin la convocation d'un concile œcuménique qui trancherait la question. Ces trois moyens devaient être successivement employés. Mais le premier, qui était le plus simple, ayant réuni une forte majorité, l'Université de Paris le proposa immédiatement. Boniface IX accueillit avec faveur la proposition, mais Clément VII la repoussa et chargea son légat de s'opposer de tout son pouvoir à de telles entreprises. Le légat gagna le duc de Berry, mais, malgré sa résistance, l'université put envoyer à Clément VII un message très énergique qui fit sur lui une telle impression qu'il en mourut. 1394. Les cardinaux d'Avignon, suivant l'exemple que leur avaient donné ceux de Rome, se hâtèrent de lui nommer un successeur malgré l'avis formel de l'université. Toutefois, avant le conclave, chacun d'eux promit, pour le cas où il serait élu, de travailler à l'extinction du schisme et, s'il était nécessaire, d'abdiquer. Le choix des cardinaux français tomba sur un Espagnol rusé et opiniâtre, le cardinal Pierre de Luna, qui, pendant 30 ans, sous le nom de Benoît XIII, devait tenir tête au pape de Rome et au concile de Constance. Benoît XIII réussit d'abord à se faire reconnaître par les principaux personnages de l'Église de France, Nicolas de Clémingis, qui devint son secrétaire, Pierre d'Ailly, qui accepta de ses mains l'évêché du Puy, Saint Vincent Ferrier, qui fut quelque temps son confesseur. Cependant, l'Université de Paris ne restait pas inactive. En 1395, elle avait réuni une assemblée du clergé et la majorité avait encore décidé de demander aux deux papes d'abdiquer. Les ambassadeurs furent envoyés à Benoît XIII, qui refusa toute démission et n'admit qu'une chose, un compromis direct avec Boniface IX. Malgré la promesse formelle faite au conclave, il fut intraitable sur ce point. Boniface IX, après avoir accepté le procédé de la démission, finit par refuser à son tour. malgré les sollicitations de l'empereur et de plusieurs cardinaux des deux parties. L'université de Paris entre alors en lutte directe avec Benoît XIII et, pour vaincre sa résistance, le menace de se soustraire à son obédience avec les différents États de l'Europe qu'il avait suivis. Cette menace fut réalisée au mois de mai 1398 dans une nouvelle assemblée du clergé de France qui vota par 247 voix contre 36 la soustraction d'obédience. La décision du clergé fut promulguée par le roi et apportée à Benoît XIII par Pierre d'Ailly. Benoît XIII resta inflexible. En présence de cette attitude, Saint Vincent Ferrier et 17 cardinaux l'abandonnèrent, ainsi que le roi de Castille. Pendant plusieurs mois, le maréchal Boucicaut le bloqua dans Avignon, mais sans rien obtenir. Cette dernière mesure, du reste, était de trop, car une démission forcée eût été sans valeur. L'université le comprit et résolut de changer de système. L'histoire du schisme allait entrer dans une phase nouvelle. Le Concile de Pise, 1409, schisme tricéphale. En 1402, constatant que la soustraction d'obédience n'avait pas réussi, qu'elle menaçait au contraire de créer un nouveau schisme dans le schisme, qu'elle avait de plus enlevé toute protection au clergé français contre les seigneurs laïcs, et qu'en somme ce n'était pas une solution, Nicolas de Clémangis, Gerson et le duc d'Orléans, alors au pouvoir, convoquèrent une troisième assemblée du clergé qui restitua l'obédience à Benoît XIII, dont l'énergie finissait par en imposer. On songea alors au second moyen proposé en 1393, le compromis. Benoît XIII parut l'accepter et envoya des nonces à Rome. Mais Boniface IX mourut sur ses entrefaites. Son successeur, Innocent VII, ne siégea que 2 ans, 1404-1406. Et c'est avec Grégoire XII, 1406-1415, que les négociations durent continuer. Leur longueur suscitait des plaintes en France, où le clergé faillit voter en 1406 une nouvelle soustraction d'obédience. En 1407, elles semblèrent sur le point d'aboutir. Grégoire XII, esprit assez conciliant, avait accepté une entrevue à Savone. Mais secrètement travaillé par le roi de Naples, Ladislas, qui tremblait pour sa couronne, il ne s'avança pas au-delà de Luc. De son côté, Benoît XIII ne voulut pas dépasser Porto Venere, et l'entrevue tant désirée n'eut pas lieu. Ce fut une grande déception pour la chrétienté et la cause d'une nouvelle orientation dans la politique des rois et des cardinaux. En 1408, 2 ordonnances royales proclament la neutralité de la France, et cet exemple est suivi immédiatement par l'Allemagne, la Hongrie, la Bohême, la Navarre. D'un autre côté, les cardinaux italiens, mécontents d'une promotion nouvelle faite dans le Sacré Collège par Grégoire XII, rompent avec lui et se réunissent à Livourne avec leurs collègues d'Avignon, prêts à se séparer de Benoît XIII. Là, ils conviennent ensemble de réunir pour l'année suivante un concile général à Pise afin de rétablir l'unité. Les cardinaux comptaient sur l'adhésion des deux papes. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu arriva. Aucun d'eux ne voulut y venir et tous deux s'empressèrent, au contraire, de réunir, l'un à Perpignan, sous la protection du roi d'Aragon, 1408-1409, l'autre à Cividale, dans le Frioul, 1409, des conciles qui se déclarèrent œcuméniques. Le concile de Pise s'ouvrit néanmoins, 1409, ce qui fit 3 conciles soi-disant généraux. Mais celui de Pise n'ayant point à coup sûr l'adhésion du pape, puisque les 2 compétiteurs s'abstinrent de communiquer avec lui, ne pouvait prétendre, malgré le nombre de ses membres, à l'œcuménicité. Il n'en déposa pas moins Grégoire XII et Benoît XIII, comme ayant péché contre l'article du symbole « In unam sanctam et apostolicam ecclesiam » et comme étant, par suite, notoirement hérétique, accusation que personne ne prenait au sérieux. 10 jours plus tard, les cardinaux se réunissaient en conclave et sous l'influence du cardinal légat des Romagnes, Balthazar Cossa, nommé pape le cardinal Pierre Filargi sous le nom d'Alexandre V, 1409-1410. À sa mort, arrivé quelques mois plus tard, Alexandre V fut remplacé par Balthazar Cossa lui-même, personnage habile, violent, peu scrupuleux, qui prit le nom de Jean XXIII. Le résultat du Concile de Pise était peu satisfaisant. Il compliquait la situation en créant un pape qu'il était impossible d'accepter comme canonique, mais qui fut reconnu cependant par l'empereur d'Allemagne, la France et l'Angleterre, tandis que l'Espagne et l'Écosse restaient attachées à Benoît XIII, Naples et la plupart des États italiens à Grégoire XII. La chrétienté était donc divisée entre trois papes à la fois. Le schisme devenait tricéphale. Le remède avait été pire que le mal. Avant de se séparer, le concile de Pise avait décidé qu'un nouveau concile se réunirait dans 3 ans pour travailler à la réforme de l'Église. Jean XXIII, qui ne désirait ni réformer les autres, ni se réformer lui-même, l'ouvrit pour la forme à Rome au mois d'avril 1412. Il n'y vint que peu d'évêques et le concile fut brusquement interrompu par l'entrée à Rome du roi Ladislas, que Jean XXIII avait détaché de l'obédience de Grégoire XII, mais qui se retournait à ce moment contre lui. Jean XXIII dut s'enfuir à Florence et à Bologne, 1413. De là, il négocia avec les souverains la tenue du concile œcuménique que tout le monde désirait. L'empereur Sigismond, décidé à mener l'affaire énergiquement, fit adopter la ville impériale de Constance, où le concile fut convoqué pour le 1er novembre 1414. Le concile de Constance, fin du schisme, 1418. Le concile de Constance tint sa première session le 16 novembre, sous la présidence de Jean XXIII. L'affluence était énorme. Les ecclésiastiques et leurs suites montaient à 18 000 personnes, les laïcs à plus de 100 000. L'empereur arriva la veille de Noël. Délivré de ses rivaux, il était en mesure de remplir, et remplit en effet, le rôle de protecteur du concile. Jean XXIII avait accepté de le présider dans l'espérance d'être confirmé dans sa dignité. Mais il s'aperçut bientôt qu'il n'en serait rien. Dès le début, les membres du concile, comprenant qu'il fallait avant tout faire table rase, réclamèrent l'abdication volontaire des trois papes. On faisait en même temps circuler contre Jean XXIII des accusations graves, notamment celle de simonie, qui lui ôtait tout espoir d'être réélu. On avait d'ailleurs changé à son détriment le mode de votation habituel, en décidant qu'on voterait au concile non plus par tête, mais par nation, afin d'annihiler l'influence des évêques italiens venus en grand nombre. Jean XXIII parut d'abord se résigner, puis il se concerta avec Frédéric d'Autriche, et le 20 mars, déguisé en palefrenier, il s'enfuit de Constance et se retira à Schaffhaus, qui appartenait à Frédéric. De là, il chercha à gagner Avignon, mais il fut arrêté à Fribourg en Brisgau par le margrave de Brandebourg, qui le retint prisonnier au donjon de Rudolsved. Tout en fuyant, il révoqua les concessions qu'il avait faites et déclarait le concile dissous. Grâce à l'énergie de Sigismond et à l'influence de Pierre d'Ailly et de Jean Gerson, qui multipliaient les écrits de circonstance, le concile conserva sa cohésion. Il déclara vouloir continuer ses travaux, bien qu'à partir de ce moment, il lui fût impossible de se prétendre œcuménique, puisque aucun pape, même douteux, n'adhérait à ses décisions. On se retrouvait en présence de la même difficulté qu'au concile de Pise. Pour la résoudre, le concile de Constance, dans ses sessions 4 et 5, émit sur les rapports des conciles avec les souverains pontifes une théorie nouvelle, évidemment inspirée par la nécessité, mais qui n'en était pas moins contraire à tous les principes canoniques et qui dépassait le but qu'il voulait atteindre. Le concile déclarait d'abord que régulièrement réunis et représentant l'Église militante tout entière, il constituait un concile œcuménique qui ne pouvait être ni dissous ni transféré en un autre lieu par la retraite du pape. Que toutes les peines que Jean XXIII pourrait prononcer contre les membres du concile seraient nulles. Et qu'enfin, tout chrétien, y compris le pape, lui devait obéissance pour tout ce qui concernait la foi, l'extinction du schisme et la réforme générale de l'Église dans son chef et dans ses membres. in isquae pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis, et reformationem generalem ecclesia in capite et in membris. C'est ainsi que le Concile de Constance proclamait, au moins indirectement, cette fameuse doctrine de la supériorité des conciles généraux sur le pape, qui devait devenir l'une des thèses préférées du gallicanisme. La suprématie des conciles paraissait sans doute nécessaire en raison des circonstances, alors qu'on se trouvait en présence de trois papes, dont un seul évidemment était légitime, sans qu'on pût facilement savoir lequel. Mais en droit, elle était incompréhensible. En effet, pour obliger en conscience le pape et même un chrétien quelconque, un concile doit être infaillible. Pour être infaillible, il doit être œcuménique, c'est-à-dire représenter l'Église entière. Et pour représenter l'Église entière, il est de toute nécessité qu'il soit en union avec son chef, union qui peut se manifester soit par une adhésion immédiate, soit par une approbation donnée après coup aux décisions du concile. De toute façon, le pape ne peut se trouver soumis qu'à des décrets qu'il a lui-même sanctionnés. On ne peut dire par conséquent qu'un concile, même œcuménique, lui soit supérieur. Telle est la véritable doctrine canonique. Elle diffère notablement de celle qui fut proclamée dans les sessions 4 et 5 du Concile de Constance. En appliquant ces principes au concile lui-même, on voit que ces décrets n'avaient en soi qu'une autorité restreinte. Ils étaient rendus par un concile qui n'était pas œcuménique au moment où il prenait ses décisions. Et plus tard, quand le pape Martin V, après la cessation du schisme, voulut confirmer certains décrets du concile, il ne comprit pas dans son approbation les décrets rendus dans les sessions 4 et 5. Malgré ce vice originel, et poussé par le désir de sortir à tout prix de la crise où l'Église se débattait depuis 36 ans, le Concile de Constance passa outre et résolut d'instruire, en raison de la prééminence qu'il s'était attribuée, le procès des trois papes en fonction. Il commença par celui de Jean XXIII, dont l'illégitimité était la moins discutable, et dont la déposition fut prononcée le 29 mai 1415 dans la cathédrale de Constance. Le 4 juillet suivant, Grégoire XII, qui était en somme le pape légitime, envoya au concile son abdication volontaire. Il fut nommé cardinal-évêque de Porto et légat d'Ancône à perpétuité, mais mourut le 18 octobre 1417. Restait Benoît XIII, qui résidait alors dans la petite ville espagnole de Peñíscola. On ne pouvait espérer de lui aucune concession. Après 2 ans d'attente vaine, le concile le déposa, le 25 juillet 1417, comme schismatique et parjure. Il reçut avec hauteur les députés conciliaires et maintint ses prétentions jusqu'à sa mort, 1424, et même après sa mort, car il avait recommandé aux 2 seuls cardinaux qu'il avait suivis de lui donner un successeur. Ce successeur joua pendant 5 ans encore le rôle d'antipape, sous le nom de Clément VIII. Par suite de l'abdication du pape légitime et de la déposition des 2 autres, le terrain demeurait libre pour l'élection d'un nouveau pontife. Le concile de Constance voulait y procéder de suite. L'empereur Sigismond et les Allemands auraient désiré qu'on commençât par décréter les réformes nécessaires. Mais Pierre d'Ailly, Gerson et la plupart des cardinaux soutenaient avec raison qu'il fallait d'abord élire un souverain pontife dont l'union avec le concile devait conférer à ce dernier le caractère œcuménique qui lui manquait et l'autorité qui faisait défaut à une assemblée sans chef. Cet avis fut suivi, et le 11 novembre 1417, un collège électoral, composé des cardinaux et de 6 députés de chaque nation, proclama pape, sous le nom de Martin V, le vertueux cardinal Odon Colonna. Le schisme était enfin terminé. Le concile de Constance devait aussi s'occuper de la réforme de l'Église et de la condamnation des hérésies qui l'agitaient. Mais sur ces 2 points, au sujet desquels nous reviendrons, il ne remplit qu'imparfaitement sa mission. Le pape Martin V publia seulement le 21 mars 1418, dans la session 43 du concile, plusieurs décrets de réforme générale. Puis le concile fut déclaré clos, 22 avril 1418. Il avait duré 3 ans et demi. Fin de la section 27.